Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. On est toujours dans l'explication de ce verset. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إلى آخره. فابن القيم رحمه الله قال فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين. Donc on a retiré deux points importants. القيام بالقسط, être juste, والشهادة به, et كذلك témoigner avec justice, être véridique. على الأولياء والأعداء, que ça soit concernant nos proches, ceux qu'on aime, etc. أو الأعداء, ceux qu'on déteste, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أي إن يكون المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه, أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم وربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنيا لغنى ولا تطمعوا في فقير لفقره فإن الله أولى بهما منكم. نعم, même si c'est un riche, ça doit pas, sa richesse ou son statut ou son rang, ça doit pas nous empêcher de dire la vérité et d'être juste. وهكذا, si c'est un fakir qui ne possède rien, qui n'a pas un haut rang dans la société, on ne doit pas être injuste et témoigner li ghayri haqq, un faux témoignage. Pourquoi? Parce que c'est un pauvre. Fallahu awla bihima. Limadha? Li'anna, que notre témoignage ou notre position par rapport à un riche ou un pauvre, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que en tant que mu'min, on doit دائماً نراقب الله عز وجل. Et nos comportements, notre position, ça doit être fondé sur la vérité, pas par rapport aux personnes. Si c'est une personne qui est connue, qui a un haut rang, il a arrêté, ben, on est droit. Et si c'est un pauvre, personne ne le connaît, mesquine, et il ne peut pas se défendre, ben, on est injuste et on dépasse les limites. هذا c'est من الهوى, ça fait partie du suivi des passions, عياذا بالله. قال ابن القيم رحمه الله وقد يقال. Un deuxième avis sur cette partie du verset. فيه معنى آخر أحسن من هذا وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير أما الغني فخوفا على ماله. Hey, si on dit la vérité, on témoigne contre ce riche, peut-être que ça va être la cause أنه il va perdre son argent. Donc on va être la cause que ce riche il perdra son argent. وأما الفقير فلإعدامه. Amma al-faqir, c'est l'inverse. Annahu, il n'a pas. Comment témoigner sur lui? Et il n'a pas d'argent. Peut-être que ça va lui faire du mal. Wa annahu la shay'a lah. Fatatasahal al-nufuz fil qiyam alayhi bil haqq. Ça revient, comme taqaddam ma'ana, au sentiment. Peut-être qu'on va craindre que ce riche perde son argent, ou que ce pauvre, il n'a rien, donc, si on témoigne contre lui, ça ne se fait pas. Hada, la yambari. La vérité, c'est la vérité. Wa ash-shahadatu بالحق c'est wajib, de témoigner avec la vérité en étant véridique. وأنه لا شيء لا فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق فقيل لهم الله أولى بالغني والفقير منكم. لماذا؟ لأن هذه الشهادة لله. On doit la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il passe avant ce riche ou ce pauvre. هذا معنى الآية. C'est ça le sens de ce verset ou de cette partie. قال فالله أولى بالغني والفقير منكم أعلم بهذا وأرحم بهذا فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. نعم, الله سبحانه وتعالى يعلم. الله سبحانه وتعالى لا plus de رحمة, c'est أرحم الراحمين. On n'a pas le droit de délaisser la vérité en s'appuyant sur les sentiments. Hada la yajouz. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné des choses, il nous a interdit des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Son dîn, il est fondé sur la justice, sur la miséricorde. On n'a pas le droit de délaisser des obligations ou de faire des interdits à cause des sentiments. قال رحمه الله ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. Et si on revient au verset, نعم وسيأتي معنا on continue أحسن. قال ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. Ça nous montre un as qui pousse à ne pas être juste, c'est al-hawa, c'est les passions. Et dans le dars d'hier, walillahi alhamd, stafadna, anna min al-hawa, c'est la colère. Et si la colère, elle nous pousse à délaisser la vérité, c'est min al-hawa. Wa hakadha l'inverse, l'excès de joie, ou kadhalik l'excès de tristesse, ça peut pousser l'insan à dépasser les limites. Fala tattabi'u al-hawa. Ne suivez pas Al-Hawa. Al-Hawa, c'est tout ce qui contredit la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu as imma la voie du prophète, c'est As-Siratul Mustaqim. C'est Al-Mahajjatu Al-Bayda, c'est Dinullahi Al-Haq. Imma, tu as autre, et tout ce qui s'oppose à la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui contredit cette voie, c'est min Al-Hawa. Ça fait partie des passions. Faqala Allahu Azza wa Jal, fala tattabi' فلا تتبعوا الهوى. Ne suivez pas vos passions. أن تعدلوا. Enfin, ça nous montre que l'adl, c'est le suivi du prophète, عليه الصلاة والسلام. Et tout ce qui contredit هذا العدل, cette vérité, cette justice, ça fait partie des passions. قال نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. ثم قال وقوله أن تعدلوا منصوب. منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. Ça c'est une مسألة في النحو. Il a détaillé ce verset niveau grammaire. Et ce qui nous intéresse نحن هنا, c'est le sens. Enfin, le sens, comme قال, فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. أي pourquoi بعض الناس يسويفون leur passion, لماذا؟ لأنهم يدتسل العدل, يدتسل la vérité, أو ils ne peuvent pas supporter cette vérité, فهي s'en écartent et ils choisissent ce qu'ils pensent être la facilité, ils choisissent ce qu'ils pensent être une issue أو la solution, alors que في الحقيقة ça fait partie de الهوى. الهوى c'est très très grave. الهوى c'est من الضلال و الضلال سفي النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعلى قول الكوفيين التقدير أن لا تعدلوا وقول البصريين أحسن وأظهر. نعم, ça c'est un point dans la grammaire, on n'a pas besoin de s'attarder. ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تقدم معنا dans le درس précédent des points bénéfiques par rapport à cette partie du verset. هنا قال ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما. Ça nous montre un celui qui délaisse la vérité, celui qui suit ses passions, en général, de deux manières, de deux façons, il va délaisser cette vérité. إما بالليل إما بالإعراض. كما قال ابن القيم رحمه الله أحدهما اللي والآخر الإعراض. تقدم معنا أن اللي c'est le fait de déformer, d'interpréter, alors que le texte il est clair, لكن pour s'écarter de cette vérité بعضهم ils interprètent أو ils déforment, يحرفون. والآخر الإعراض. الإعراض c'est le fait de se détourner complètement. قال فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها فكان شيطانا أخرس وتارة يلويها أو يحرفها. هذا c'est la situation de la plupart des gens avec le haq. إما ils délaissent cette vérité complètement. لماذا؟ لأنه ça contredit leur passion. et ils n'arrivent pas à délaisser leur passion. Comme a dit Azzawajal, فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى. Certaines personnes, elles n'arrivent pas. Donc, elles délaissent la vérité. Et, عِيَدًا بِاللَّهِ, ces personnes, elles choisissent le chemin des péchés, des innovations. بَعْضُهُمْ de la mécréance, عِيَدًا بِاللَّهِ. بَعْضُهُمْ, ils ne veulent pas délaisser cette vérité totalement. Ou ils ne veulent pas montrer plutôt aux autres أَنَّهُمْ ils délaissent la vérité. Lakin, vu qu'ils ne veulent pas de cette vérité, يحرفون ويؤولون. Et كما قال عز وجل وإن تلووا فإن pratiquent هذا الليل. Et ce délit, ils vont essayer de l'expliquer par رapport à leur passion. فلهذا أخي الكريم احذر de délaisser le haq complètement, الإعراض, de se détourner, عيادا بالله. Et كذلك احذر من الهوى, le fait de vouloir que les textes ou les paroles de savants ça se conforme à ta position. Ah, c'est très très grave. C'est nous, en tant qu'ibad, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour qu'on se soumet à la religion d'Allah azza wa jalla. La religion d'Allah subhanahu, elle est fondée sur le Coran wa sunnah et le suivi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Amma celui qui ne veut pas délaisser sa position, limada li annahu, il suit ses patients. Le suivi du prophète, ça contredit le suivi des patients. Celui qui ne veut pas laisser sa position, forcément, il suit ses patients. Les anna, en tant qu'être humain, tu peux avoir raison, tu peux avoir tort. Et on se trompe tous. L'about qu'à un moment donné, tu es obligé de délaisser ta position. Tu es obligé, bien sûr, de délaisser tes patients pour suivre un nabi, alayhi sallallahu alayhi sallam. Fais attention à al-hawa. Surtout dans des sujets très, très importants. C'est une obligation dans tous les sujets, mais dans certains sujets encore plus. Ma yata'allaq bi al-aqida, ma yata'allaq bi usul ad-din, ma yata'allaq bi as-sunnah. Ces points, c'est très très important et la vérité, elle est claire. Fa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, fa inna al-haq idha dhaharat hujjatuhu wa lam yajid man yarum daf'aha tariqan ila daf'iha a'rada 'anha. Certains font tout pour délaisser la vérité et quand ils ont pas de moyens d'interpréter ou de citer leurs ambiguïtés, ils te laissent complètement. فهؤلاء قال وامسك عن ذكرها فكان الشيطان اخرس. Vu que هؤلاء délaissent la vérité et ils ne l'appliquent plus et ils ne disent plus la vérité et ils se taisent et ils se détournent, Ibn Qayyim rahimahullah il les a comparés à des shayatin. Shaytanan akhras. Al-akhras c'est le muet et un shaytan qui se tait. ثم قال وتارة يلويها أو يحرفها واللي مثل الفتل وهو التحريف وهو نوعان لي في اللفظ ولي في المعنى. اللي c'est le fait d'interpréter, c'est un manque de clarté. L'insan il veut que sa position, les textes ils suivent sa position et c'est pas sa position ou lui qui suit les textes. Et هذا التحريف, cette déformation, c'est de deux catégories. Emma cet homme ou cette femme qui suivent leur passion, imma ils vont déformer le love du texte et le texte lui-même, ils vont ajouter un mot, ils vont enlever un mot, ils vont déformer, imma ils vont déformer le sens. Enfin la déformation ça peut toucher le texte ou le sens. قال فلي في اللفظ ان يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق اما بزياده لفظه أو نقصانها أو إبدالها بغيرها أو ليا في كيفية أدائها. المهم ce صاحب هوا إما il va ajouter une lettre ou enlever une lettre ou ajouter un mot ou enlever un mot. مهم il va toucher au texte. Pourquoi? Pour que ce texte il ne contredit plus ses patients. ثم قال رحمه الله وإيهام السامع لفظا ومراده غيره كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أحد نوعي اللي. Et cet exemple il est طيب, ça nous montre أن اللي, le fait de ne pas être clair, le fait de vouloir déformer les textes pour que ce texte il concorde avec nos passions, هذا والعياذ بالله c'est من صفات اليهود الخبثاء أخذهم الله. فلهذا quand il passait السلام au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs fil Medina, ils disaient pas assalamu alaykum, ils disaient assalamu alaykum ou assalamu alayk. Il y a une différence entre salam ou sam. Assalam, c'est assalam, et assam, c'est ça vient de assum. Aïe, le tu peux traduire par le poison. Aïe, c'est un dua contre un Nabi alayhi salatu wassalam. Les mada, les annahum, c'est des ashab hawa al-yahoud. Ils suivent leur passion et kadhalik, et qui sont pas clairs. Wa illa, celui qui n'aime pas une personne ne lui passe pas le salam. Lakin, vu que haoula, ils essayent d'aïman de montrer annahum, c'est eux qui sont sur la vérité, ceux eux qui ont un bon comportement, et là, après, ils employaient ce genre de hiyal ayyadam billah. La deuxième catégorie est le fait de déformer le sens. Qala layyul ma'na wa huwa tahrifuhu wa ta'wil al-lafz ala khilaf murad al-mutakallim bih wa tahmaluhu ma lam yuridhu أو يسقط منه بعض ما أراد به ونحو هذا من لي المعاني فقال تعالى وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهذا تقدم معنا beaucoup d'exemples dans العقيدة فمثلا المحرفة من أشاعرة وغيرهم ils ont rejeté beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les attributs qu'ils ont délaissés qui n'ont pas accepté, c'est fait un nuzul. En Allah Azza wa Jal, il descend. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, en le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, yanzilu Rabbuna fi kulli laylatin, ou fi kulli akhir, ou fi kulli thuluth al-akhir min kulli layla. En Allah Azza wa Jal, il descend le dernier tiers de chaque nuit. Donc, en tant que muhib le Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, on aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit accepter ces informations. Et ça, c'est min al-hijra ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivre dans sa croyance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette croyance, il nous l'a enseigné. Enfin, pourquoi la délaisser? Les gens, ils ont complètement rejeté. A'radu, al-mu'tazila wal-jahmiya, ils ont complètement rejeté, ils ont dit Allah, il ne descend pas. Al-ash'ira, harrafu, ils ont appliqué. Pourquoi? Les annahum, c'est des ashab, ahwa. Ils suivent leur passion. Hum, ils ont dit que si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, tu le fais ressembler aux créatures. Si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans un endroit, et min hadhal kalam. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il se déplace, c'est qu'il a un corps comme les êtres humains. Bid'a wa khurafat. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, yanzil, on dit Allah yanzil, Allah il descend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu qu'ils peuvent pas rejeter le texte. L'imada, les annahu, il est dans Sahih al-Bukhari. Ils peuvent pas le rejeter. Qalu, c'est pas Allah qui descend, c'est un ange. Yanzilullah, ay yanzilu malakun min malaikatillah, ou yanzilu amrullah. Hakada, ils ont déformé. Pourquoi? Les annahu, ils ont pas voulu accepter le hadith comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a cité, l'imam ali annahu, ça contredirait leur passion. Le fait d'accepter as-sifat al-fi'liya. Ben, ils ont rejeté. Lakin, le fait de rejeter sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, forcément l'insan il se contredira. Et forcément l'insan il se trompera. Est-ce que les anges ils descendent que le dernier tiers de la nuit? Abadan. Est-ce que les anges ils descendent qu'au premier ciel? Abadan. Jibril, il est descendu sur terre pour enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, etc. Pour la révélation, ma'rouf. Est-ce que Amrullah, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend que le dernier tiers de la nuit? Est-ce que le dernier tiers, est-ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend qu'au premier ciel? Ou Hagada, pardon, ils ont expliqué par la miséricorde. C'est la miséricorde d'Allah qui descend. Est-ce que la miséricorde, elle descend que le dernier tiers? Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à qui veut, quand il veut. Azza wa Jal, c'est Arhamur Rahimin. Est-ce que la miséricorde, elle s'arrête au premier ciel? Hala, c'est min al-batil. Pourquoi les annahum, ils ont contredit les textes? Fa tastafid min hada, akhi al-karim. Anna, suis le haq. Et fais attention de ne pas vouloir satisfaire les gens. Ta'ammal qawlahu, wa in talu, aw tu'ridu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ces deux exemples. Et ceux qui suivent leur passion. Imma, ils déforment, imma, ils rejettent. Thumma qala azza wa jal, va inna allaha kana bima ta'amaluna khabira. Ta'ammal la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on fait, kana bima ta'amaluna khabira. Il sait tout, subhanahu. Le fait de vouloir cacher une chose, ou délaisser la vérité, ou faire une fausse interprétation pour que ça contredit pas nos passions, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ça nous montre anna al-muslim, al-mu'min, al-sunni, encore plus celui qui fait des études fil ilm, il doit être clair. Sois clair, akhil karim. As-saraha, c'est un comportement très profitable pour toi et pour les autres. Avec Saraha, si tu es clair, si tu t'es trompé, tu te feras corriger. Si tu n'as pas compris, walillahilhamd, quelqu'un te clarifiera le sujet. Un manque de clarté, l'insan, il pense qu'aux autres. Et il cite des mots ambigus et Ahyanan, il sait que ce n'était pas son intention telle chose. Et quand il s'aperçoit de la vérité, il essaye de faire croire qu'il savait déjà. Ah, là, ça ne sert à rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Khassatan fima yata'allaq bi dinillah azza wa jal. On suit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour montrer qu'on a raison, ou qu'on est intelligent, ou qu'on comprend vite là. Son suivi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ibadah azima. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ben, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la cause principale pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Vu que les Yahoud, وأهل البدع والضلال إي خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام chacun par rapport à son égarement. اليهود c'est des kuffars, les innovateurs, ceux qui sont encore musulmans, ça reste des musulmans. لكن vu que اليهود ils détestent le Nabi صلى الله عليه وسلم et les innovateurs ils ont un manque, on parle des croyants parmi eux, ils ont un manque dans cet amour, ils ont eu des problèmes dans le suivi de النبي عليه الصلاة والسلام. Ça nous montre هذا أن المحبة aimer le Nabi صلى الله عليه وسلم كما تقدم les دروس précédents. La sincérité, la véracité, et كذلك être clair, al-wudu', ça aide beaucoup al-mu'min. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq lil-jami'. Qala, rahimahullah, na'am, est-ce qu'on a fini ce passage? Na'am, ou yusqit, na'am. Qala, wa lamma kana ash-shahidu mutalaban bi-ada'i ash-shahadati ala wajhiha, فلا يكتمها ولا يغيرها كان الإعراض نظير الكتمان واللي نظير تغييرها وتبديلها الإعراض ça ressemble à le kitman et par rapport à shahada le fait de ne pas dire la vérité en la délaissant bien sûr واللي c'est celui qui déforme yadam billah le faux témoignage il témoigne لكن il ment il rajoute et il enlève certaines choses قال فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم ça nous montre أن أنفع العلوم سي القرآن الكريم تأمل أخي الكريم سو فيرسي ابن القيم رحمه الله ما توسع لأن التبوكية سي رسالة تخي ريزومي كلك باج فرحمه الله لفوائد كي لا سيتي سور ان فيرسي مع أنه il aurait pu رحمة الله عليه il avait la capacité de détailler beaucoup plus ça nous montre أن هذا القرآن فيه كنوز عظيمة الكنوز البلوريال دو كنز الكنز سي ان تريزور. C'est pour ça que celui qui veut progresser fil ilm, qui donne de l'importance à hadha al-Qur'an, et que ta source, ça soit toujours le Qur'an, et que ton but, ça soit toujours le suivi du Qur'an et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullah wal maqsoud anna al-wajib alladhi la yatimu al-iman bal la yahsul musamma al-iman illa bihi muqabalatu an-nusus bit-talaqqi wal-qabul. La foi de l'insan, ça sera par rapport à cette acceptation et ce suivi. Le fait d'accepter les textes et de les mettre en application. Enfin, l'insan, s'il accepte les textes et il les met en application, voilà, chacun de nous, c'est un mu'min. Et plus il a des faiblesses dans le suivi du prophète, alayhi salatu salam, plus sa foi, elle descend. Elle diminue. قال والإظهار لها ودعوة الخلق إليها لا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. Et كذلك on doit propager ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité comme ilm. أما الإعراض واللي c'est deux maladies très très graves qui font beaucoup de mal aux mu'min. Le fait de se détourner et le fait d'interpréter à cause des passions. ثم قال رحمه الله قال الله تعالى هذا c'est le troisième dalil, troisième verset. تقدم معنا أن ابن القيم رحمه الله il a cité plusieurs versets, une dizaine, pour expliquer, pour détailler cette hijra إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي le fait de le suivre Et c'est muqtada shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Enfin, le troisième verset, qala ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه. Ce verset il est très très important. قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. Ça englobe tous les croyants, hommes et femmes. إذا قضى الله ورسوله أمرا. Quand on a une preuve من القرآن أو من السنة الصحيحة que telle chose مثلا c'est obligatoire. On n'a pas le droit de contredire. الإنسان il peut avoir une faiblesse أنه il n'a pas fait cette obligation. Ça arrive. Et مع هذا لابد من تقوى الله عز وجل. الإنسان il fait autant qu'il peut. Et s'il a eu un manquement, يتوب إلى الله. أما عيادا بالله rejeter, dire là, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Alors que dans le Coran, on a des textes clairs. Ou l'inverse, c'est haram, et Allah dit là, c'est pas haram. هذا, là, je sais que ça fait pas partie du suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça nous montre, anna, on n'a pas le choix. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله, لا أحد, ليس لأحد أن يتخير. Personne n'a le choix. Tu es un abd, tu es un serviteur que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. ومن هنا, يتبين خطورة الدعوة إلى الحرية. Cette da'wa que les kuffars ils propagent leilan wa naharan et qu'ils essayent d'imposer akhzahumullah aux croyants, et le fait que tu es libre, tu veux adorer Allah Azza wa Jal, tu l'adores, tu ne veux pas, tu ne l'adores pas. Ça c'est min abtal al-batil, bel c'est du kuffr, c'est de la mécréance. Limadha li'annahu ça contredit le fondement de notre dîn. Le fondement de notre dîn, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est la soumission. Bel l'islam, c'est quoi? C'est l'istislam lillah. C'est le fait de se soumettre à Allah. Cette da'wa, ce principe complètement faux, bel c'est de la pure mécréance. Anna, tu as le choix. Si tu ne veux pas te soumettre, c'est ton droit. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال Haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ça c'est Haqqullah. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, ayyuha al-'abd. Et tu n'as pas le choix fi hadha. On doit faire attention. On doit faire attention à ces principes corrompus que les kuffars y propagent. Qala fadalla hadha ala annahu idha thabata lillah wa li rasulih sallallahu alayhi wa sallam fi kulli mas'alatin min al-masail hukm talabi aw kharabi aw khabari. At-talabi yuqabiluhu al-inqiyad wa al-'amal. Al-talabi, c'est le fait, imma un ordre, imma une interdiction. Enfin, par rapport au hukm talabi, al-talab, c'est une demande. Imma, tu dois faire, imma, tu ne dois pas faire. Enfin, anta, par rapport à ce hukm talabi, imma, tu dois faire. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de faire salat. Tu n'as pas le choix, tu dois faire as-salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il t'a interdit d'adorer autre que lui. Tu ne dois pas adorer autre que lui. Maintenant, tu ne dois pas te prosterner pour autre qu'Allah. Hada c'est le hukm al-talabi. Tu n'as pas le choix via hada. Et hada le hukm pour le connaître, il faut étudier le Coran et la Sunna. Et tout ce que Allah nous a ordonné, tout ce qui nous a interdit. Al-khabari, al-hukm al-khabari, ça vient de l'khabar. Wa yuqabil al-khabar al-tasdiq ou al-takdib. Al-khabari, ça vient du mukhabar. Et toutes les informations qui sont citées dans le Coran et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a citées, on est obligé de les accepter. La bud min tasdiq. Enfin, on croit en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses prophètes, en ses messagers, etc. Donc, que ça soit al-talab ou al-khabar, tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas le choix. فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَيَّرْ لِنَفْسِهِ غَيْرَ ذَلِكَ الْحُكْمُ فَيَذْهَبْ إِلَيْهِ. مثلا, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit al-zina, l'homosexualité, toutes ces fawahish et ces munkarat. On n'a pas le droit de croire que c'est permis. L'imam, les textes ils sont clairs. On a des akhbar kathira. Allah subhanahu wa ta'ala naha anil fahsha'i wal munkar. Donc celui, yadam billah, qui s'oppose à hada, il est à la khatra azim. Celui qui dit là, c'est autorisé. Si c'est un mu'min, C'est ça, un croyant, il n'a pas le droit de halal ma harram Allah. Ben, c'est la grande mécréance. Fallait celui qui rend halal une chose de haram, ou qui rend haram une chose de halal, on parle bien sûr les sujets clairs. Amasil Insan, il a une choubha, il savait pas, il s'est trompé, hein, c'est autre chose. Là, qui les sujets clairs, comme l'homosexualité, comme azina, comme l'alcool, comme le vol, comme le meurtre, etc. Celui qui rend halal ces choses haram, là, je sais que c'est un kafir. Wahakada, celui qui rejette des adorations. Matalan, il dit, as-salat, ça fait pas partie de l'islam. Ou as-salat, ça existe pas. Ou il renie son obligation, etc. Wahada, là, je sais que c'est du kufr. بالله سبحانه وتعالى قال وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا فدل على أن ذلك مناف للإيمان نعم أما le fait d'appliquer les ordres الحكم الطلبي le fait de faire l'appliquer les ordres ou s'écarter des interdits ça dépend de l'ordre et de l'interdit maintenant celui qui n'adore pas Allah Azza wa Jalla il prononce pas shahada il délaisse l'application de cet ordre. Ce n'est pas un mu'min. Aslan, il n'a pas de foi. Mais celui qui délaisse une obligation, il ne sort pas zakat ou il n'a pas fait le hajj, ça reste un mu'min, mais sa foi, elle diminuera à cause de son délaissement. Et bien sûr, s'il délaisse ses piliers, il commet un très très grand péché. Celui qui fait du shirk billah azza wa jalla, il n'a plus de foi. Celui qui boit de l'alcool ou qui vole, ou, ça reste un croyant, lakin, la chèque que ce péché, c'est la cause de sa diminution de foi. Amma al-akhbar, celui qui rejette, yadam billah, un khabar sahih, qui est cité dans Al-Qur'an ou dans As-Sunnah, alors qu'il n'a aucune choubha, fahada, il est à la khatar azim. Donc, hada vihi tafsil, et on a étudié hada tafsil fi al-wasitiyya, dans le chapitre sur Al-Iman. ثم قال وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد. Et cette précision est importante. تقدم معنا هذا الكلام كثيرا. Cette parole de l'imam الشافعي رحمه الله. Beaucoup de savants il la cite. Il a rapporté l'ijma, l'unanimité. Il n'y a pas de divergence via là. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'unanimité, elle celui qui a connaissance d'un hukm du prophète alayhi salatu salam, une sunnah, que ce soit une adoration ou autre, il n'a pas le droit de délaisser cette chose et cette sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre un autre. Hada la yajouz bil ijma'. Ibn al-Qayyim il a cité hada limadha li anna al-ba'd. Ils délaissent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin ils ont des choubah. Batalan, tu lui montres clairement que un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit telle chose. Thumma yaqulu lak, mais Cheikh un tel, il a dit. Ou dans mon pays, ils font. Ou tous les gens, ils font. Min hadha al-kalam. Hadha, c'est haram. Si tu aimes un nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa suis le nabi alayhi salatu salam. Et n'oublie jamais, anna tout le monde peut se tromper. L'infaillibilité, celui qui ne se trompe pas, al-ma'soum, c'est al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Voilà, c'est très très important dans ton cheminement, dans ta hijra. Limadha li anna, si on n'a pas cette base, ta hijra ila rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam, et ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moindre ambiguïté, tu délaisseras sa voix. Falihada wa adhanas, ils autorisent des choses. Alors que les hadiths, ils sont clairs. Mathalan, la mixité, c'est wadih. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam قال Iyakum wa dukhul ala nisa. Iyakum wa dukhul ala nisa. N'entrez pas dans un endroit où qu'il y a des femmes. Thumma, قال sahabiyun Araita al-hamu, ya rasoul, araita al-hamu. Al-hamu, c'est les proches. Les proches de cet homme. Mathalan, ta belle-sœur. Est-ce que tu peux rentrer? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الحمل موت. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. L'imam al-insan a des facilités à rentrer dans un endroit où qui a maintenant sa belle-sœur ou sa cousine. L'imam al-insan reste sa famille ou des proches. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الحمل موت. C'est la mort. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمل موت. لماذا؟ لأن c'est très très grave. Combien de portes elles ont été ouvertes et certains ils sont rentrés dedans et وقعوا في الحرام. Et ils se sont fait beaucoup de mal et ils ont fait du mal à leurs proches. Fannabi sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver wahed, il dit là, c'est pas grave. Et avec des excuses. Shay min al-layl kama taqaddam. Et on n'a pas le droit de le suivre. Qui qu'il soit, que ce soit pour étudier, que ce soit les membres de la famille, bien sûr, on ne parle pas de le maharim. Amma le maharim, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. On parle de les femmes que l'insan, il n'a pas le droit de se mélanger avec. Fafi hadha al-hal, suis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu préserveras ton dîn et tu ne te contrediras pas. Wa illa va suivre autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, forcément l'insan, il se contredira. Qala, ça c'est un exemple à mixité. Et on peut citer des dizaines d'exemples. قال ولا يستريب احد من ائمه الاسلام في صحه ما قال الشافعي رضي الله عنه ان بيرسون ا دو دوت celui qui connaît العلم et qui connaît اقوال اهل العلم il n'a aucun doute que la parole de l'imam الشافعي c'est la vérité فان الحجه الواجب اتباعها على الخلق كافه انما هو قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى c'est هذه الحجة qu'on doit suivre. Tu n'es pas obligé de suivre autre, un autre. Abadan. L'obligation, c'est de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme قال عز وجل, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an wa al-Hikmah. Aïe sa sunnah. C'est deux sources qu'on doit suivre. Pas autre. Fala tartar bi kathrati al-jahilin. Non, ils veulent faire croire, tu es obligé de suivre tel madhab. Oh, tu ne dois pas délaisser le qawl de tel shir. Tout ça, c'est pas min al-ilm. Abadan. Tu suis al-ulama. Ah, c'est important ce point. Tu suis les savants, tu ne suis pas un savant. Il y en a le savant, un savant quelconque, malgré son haut niveau dans l'ilm, dans la science, dans la piété, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, ça reste un savant, c'est pas un prophète. Donc on n'a pas le droit de le mettre au niveau d'un prophète. فَلِهَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَّهِ Il a une parole célèbre qu'on a souvent lue avec nos frères dans Kitab Tawhid et dans d'autres durus. كَانَ يَقُولَ رَأْيُ الشَّافِعِ Et l'avis de l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, c'est son shaykh. Parmi les élèves de l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed rahmatullah alayhi. فَكَانَ يَقُولَ رَأْيُ الشَّافِعِ وَرَأْيُ مَالِكَ وَرَأْيُ أَبِي حَنِيفَ تَأَمَّلِ Il a cité les trois grands imams. Aïe, les trois grands imams qui ont des écoles qui sont réputées et suivies jusqu'à nos jours. Avec l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah. Ça fait les quatre écoles. رَأْيُ الشَّافِعِ وَرَأْيُ مَالِكَ وَرَأْيُ أَبِي حَنِيفَ كُلُّهُ عِنْدَهُ رَأْيِ Aïe, عِنْدَ الْإِمَمْ أَحْمَدْ rahimahullah, c'est des avis. Ça veut dire quoi, c'est des avis? Ça veut dire que احيانا سليم مالك رحمه الله كاريزا احيانا سليم ابو حنيفه رحمه الله احيانا سليم الشافعي احيانا سي اوتر que ces imams على كل حال ça reste des avis leur parole elle devient véridique et on doit la suivre si elle est fondée sur un hadith du prophète عليه الصلاه والسلام ou bien sûr sur un verset du Coran le Karim قال وهو عندي سواء وانما الحجه في الاثار هذا كلام إمام أهل السنة والجماعة أصنبك قال رحمه الله وهو عندي سواء أي tous ces avis pour moi c'est la même chose ça veut dire quoi c'est la même chose ça veut dire que tu peux les accepter tu peux les délaisser إنما الحجة la preuve c'est quoi في الآثار أي في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي sur les textes que ça soit la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم ou l'unanimité des compagnons après lui radiyallahu anhum. Donc, hada c'est muhim. Si on fait le lien avec kalam al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, hada ça nous montre anna le fait de suivre un nabi sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement on doit délaisser la parole de quiconque si elle contredit la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est un fadl, même si c'est un proche, même si c'est un savant, même si c'est un imam, même si c'est plusieurs savants. لأن الحق il est واحد la vérité elle est une et elle se trouve forcément dans les textes mais le savant il peut se tromper et il peut bien sûr souvent les savants ils ont raison كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب وقال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ça nous montre que le savant ou autre ou le juge ils peuvent bien sûr, avoir raison, ils ont souvent raison, et ils peuvent se tromper. Et là, Al-Manhaj, on doit le mettre en application. Ça ne doit pas rester que dans les livres. La première divergence qu'il y a, et on perd nos moyens et on suit plus un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on s'entête à suivre un tel, même si la vérité, elle nous parvient. Ah là, ça doit être un manhaj qu'on doit apprendre et qu'on doit mettre en application. Qala, rahimahullah, wa la yastarib ahadun min a'immatil islam fi sihhati ma qala al-Shafi'i radiyallahu anhu, fa inna al-hujjata al-wajib attiba'uha ala al-khalq kafatan innama huwa qawl al-ma'asum sallallahu alayhi wa sallam. الذي لا ينطق عن الهوى وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجب الاتباع لا واجب الاتباع أما les avis des savants et autres, tu peux les prendre bien sûr, ben tu dois dans certains cas pour comprendre sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakin si ce qawl il n'y a pas de délire, personne t'impose et personne t'ordonne de le suivre. Ben le savant lui-même, tous les savants de la sunna, ils sont d'accord. Si leur parole, elle contredit un texte, tu dois délaisser leur parole. Le problème, il vient pas des savants. Les savants, c'est awliyaullah. Les savants, c'est warathatul anbiya. C'est les héritiers des prophètes. Le problème, il vient de nous. Les gens de la masse. Ou ceux qui ont un faible niveau dans l'ilm. Ou qui ont un faible niveau dans la soumission à l'inqiyad wa ta'a. Le problème, il vient de ces gens-là. وإلا أهل العلم يمونتر هذا دائما. Ils ont écrit des livres, ils ont conseillé via هذا. لكن le problème c'est l'ignorance et les passions. Et mal insan il suit un autre aveuglément, il est ignorant, il sait pas. مثل هؤلاء on doit leur montrer patience avec eux. إما il sait لكن les passions. Il peut pas délaisser la parole. لماذا؟ لأنه ça contredit son groupe. Ou ça contredit sa position. Et il pense que en délaissant l'avis de son chir ou de tel chir, ça va l'affaiblir. Et ça, c'est pas minat tawfiq. Ce qui affaiblit, c'est le fait de délaisser la vérité. Elle m'a délaissé la parole d'un être humain parmi les êtres humains, même si il a un haut rang dans la science, c'est pas une faiblesse. Là, la faiblesse, c'est de délaisser les textes. Aïe, le Coran ou le Sunnah. قال فضلا عن أن تعارض بها النصوص أو أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عيادا بالله من الخذلان. أما, on répète, le fait de suivre la voix ou la parole d'autre que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne t'impose, personne ne te rend obligatoire. Amma, utiliser cette parole pour délaisser la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, opposer cette parole avec la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est très très grave. Wallah al-musta'an. Thumma qala, on lit le quatrième verset, il est assez simple et assez court. Inch'Allah. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيرها. Tu veux la guider? Tu trouveras cette guidée que dans la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, pas dans une autre voie. فلهذا قال عز وجل وإن تطيعوه, et si vous lui obéissez, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahtadou. Tahtadou, ça vient du mot hidayah, ça vient du mot huda. Et vous serez guidé. Combien de personnes ils se posent cette question? Mathalan, yaqouloun, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de prêcheurs. Hada, il dit une chose, l'autre, il le contredit. Et il cherche la guidée. La guidée, tu la trouveras en étudiant la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fais des efforts pour apprendre sa voix. عليه الصلاة والسلام السويلة قال فإنه معلق بالشرط أي قوله إن أنا غابس عن شرط إن تطيعوه إن نعم إن تطيعوه إن أي شرط إن كونت سيوان أي سي vous le suivez vous serez guidé. Vous avez remarqué que la guidée elle est liée ou elle est conditionnée avec الاتباع avec l'obéissance. قال فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة أو في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها، وإذا ما علق على الشرط فهو وإذا ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على الانتفاء على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. نعم، إلى سيتي كلكو فوائد نيفو لانغ عرب، كذلك نيفو أصول بارابور al mafhoum et aux shurut. Et ce qui nous intéresse, nahnou, pour simplifier à nos frères, anna, la guidée, elle est conditionnée. Tu n'as pas le choix. Si tu veux être guidé, il n'y a qu'une voie. C'est la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. قال وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. Et cette faïda, on l'a cité plusieurs fois. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Vous avez remarqué que le fi'l أطيعوا, c'est un verbe. Ay, obéissez. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a répété deux fois. أطيعوا الله, on doit obéir à Allah. Et كذلك أطيعوا الرسول. Deux fois le fi'l il a été cité, et tu peux tirer une leçon très très bénéfique de cela. Inch'Allah, ça ta'ti ma'ana dans quelques pages. Na'am. Inch'Allah, dans le dars suivant, c'est le prochain verset. Qawluhu ya ayyuha alladhina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Qala wa qawluhu fa in tawallu fa innama alayhi ma hummil al fi'l lil mukhatabin. Wa asluhu tatawallu, na'am, avec deux ta. أما dans le verset, vous avez remarqué, فَإِن تَوَلُّوا يَكْأَنْتَ قَالَ فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّائِينَ. أي, un des deux ta, il a été retiré. تَخْفِيفًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ حُمِّلَ أَدَاءَ الرِّسَالَةَ وَتَبْلِيغَهَا وَحُمِّلْتُمْ طَاعَتَهُ وَالْإِنْقِيَادَ لَهُ وَالتَّسْلِيمَ كَمَا ذَكَرَ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ مِنَ اللَّهِ الْبَيَانُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ. Ça nous montre Anta, en tant que Abd, tu dois faire des efforts dans le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, pour que tu te soumettes et t'adores Allah azza wa jal. Enfin, fais des efforts pour cela. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alayhi al-balagh, sa mission, c'était de transmettre. Et il a transmis, alayhi salatu wa sallam. Adda al-amana wa ballagha al-risala, alayhi salatu wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a bayin. Il a révélé hadha al-Qur'an, il nous a interdit des choses, il nous a ordonné des choses, il nous a créé pour une hikma. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a propagé le message. Anta alayka taslim, anta soumets-toi. Arrête de te poser des questions inutiles. Arrête de regarder les autres. Mais un tel, il n'a pas fait. Ta'alamoul anna wa'ad al-nas, on a tous vécu hadha. Il regarde les autres, madalem, pourquoi un tel, il fait telle chose. Et oui, il l'a fait. Lui-même, il fait cette chose. Ya akhi, ondur nafsak. Amma un tel qui fasse cette obligation ou qu'il ne l'a fait pas, ça te changera rien un tayyum al-qiyama, tu seras pas interrogé sur lui. Fa qala ibn al-qayyim rahimahullah fa in taraktum antum ma humiltumuh min al-iman wa at-ta'a fa alaykum la alay. Non, si on délaisse et on n'est pas sérieux et on n'obéit pas, yawm al-qiyama on aura des comptes à rendre. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa, il a propagé, il a montré. فشكان sa responsabilité. قال فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم. Contrairement à عقيدة النصارى. Les chrétiens, ils ont une عقيدة أن pour eux, عيسى عليه الصلاة والسلام, ils supportent la charge de leur péché. C'est pour ça qu'ils l'adorent من دون الله عز وجل. أما نحن, voilà, on est des musulmans, on est des croyants, on n'est pas des souverains. Chacun est responsable. النبي صلى الله عليه وسلم, il a accompli sa mission. Anta akhil garib, tu dois adorer Allah Azza wa Jal, obéir aux ordres et t'écarter des interdits. Et chacun aura des comptes à rendre yawm al-qiyam. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne sera responsable ou supportera la charge des péchés d'un autre. Abadan. Qal wa innama humila tablighakum wa ada ar-risalati ilaykum. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rempli cette mission comme a taqadda. هو النبي صلى الله عليه وسلم يدوي بروباجي الى بروباجي فان تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم. اي cette condition, si vous lui obéissez, فباذن الله عز وجل vous serez heureux et vous serez guidé. وان لم تطيعوه فقد ادى ما حمل. Et si on lui obéit pas, ou une personne quelconque elle ne lui obéit pas, ça enlève rien au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça diminue en rien de son rang alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des êtres humains et chacun aura à rendre des comptes. Qala wa in lam tuti'u faqad adda ma hummil wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin laysa 'alayhi hudakum wa tawfiqukum. Al-hidayah c'est biyadillah. Innaka la tahdi man ahbabt. La preuve c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a transmis le message مثلاً à son oncle Abu Talib. Ya'am qul la ilaha illallah. Avant de mourir, Ya'am qul la ilaha illallah. Il lui a répété plusieurs fois, alayhi salatu wasalam. Ça fait partie de tablir al-risala. Et il a montré. Thumma la guidé, c'est biyadillah. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas guidé l'oncle du prophète, alayhi salatu wasalam. Na'am. Innaka la tahdi man ahbabt. Et tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. Et hidayat tawfiq. Et faire rentrer la foi dans les cœurs, ça c'est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et c'est ça le tawfiq. Allah il facilite à qui il veut. Tastafid min hada, on a fait des efforts dans deux points importants, akhil karim, et on conclut le dars avec hada. Fais des efforts dans le suivi du prophète alayhi salatu salam. Et tu ne pourras le suivre que si tu connais sa voix. Donc ça implique de faire des efforts dans l'ilm. Et fais attention à tout ce qui contredit ce suivi. Les patients, le suivi aveugle, suivre la majorité, etc. Fais attention à hada. Fais des efforts pour apprendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mets-la en application. Et bien sûr, tu dois revenir aux savants de la sunna. On délaisse pas les savants de la sunna au nom du taqlid. Hada, c'est un autre problème. Et on l'a déjà exposé à nos frères. Donc, on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des efforts dans l'apprentissage du ilm. Et le ilm, tu dois l'apprendre chez les savants. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, fais des efforts. Les anna, tu peux apprendre le ilm. Tu peux connaître la voix. Lakin, tu pourras la suivre que si Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. Les hypocrites, al-munafiqoun, ils ont vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On parle des hypocrites qui étaient à son époque fil Medina. Ils l'ont vu, ils lui ont parlé, ils l'ont côtoyé, ils ont voyagé ma'a. Donc, le ilm, il était devant eux, ils le voyaient, ils l'entendaient. Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, ils n'ont pas pu suivre. L'oncle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a élevé un Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Depuis petit, jusqu'à un certain âge, jusqu'à que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation, c'est devenu un prophète, un rasoul. Malgré cela, il a vu, il savait très bien que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était al-haq. Il savait très bien que c'était la vérité. C'est quoi qui l'a empêché à suivre? C'est les passions, ayyadam billah. At-tatruk, ou at-targhab fi riwaya, millat Abd al-Muttalib, Abu Jahl, wa man ma'ah, min al-mushrikin, il disait à Abu Talib, est-ce que tu vas délaisser la religion de nos ancêtres? Pourtant, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la haq. At-tawfiq, c'est biyadillah. Donc, tastafid min hada, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Le premier point, c'est les causes. Apprendre la science, mettre en application, ça c'est des causes. Et at-tawfiq, c'est biyadillah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq li jami' ikhwanina wa an yahfadhahum jami'an wa naktafi bihada. Et on passe à notre deuxième dars, inshallah ta'ala.